coupe est glissée dans le sac. Le piège referme son épreuve. Benjamin est pris dans l'angoisse et la peur teste enfin les cœurs. Judas s'avance et offre sa vie. Il refuse de répéter la faute. Le frère qui vendait autrefois devient celui qui sauve aujourd'hui. La repentance mesure au prix que l'on accepte de payer. Je prends sa place devant toi. Je donne ma vie pour le sauver. Ce qui est déjà dit, trahison, devient aujourd'hui fidélité. Je prends sa place devant toi. Et le passé perd son pouvoir quand l'amour décide enfin de marcher droit dans le noir. Tu changes les coupables en délivreurs.